Sous une pluie de verre brisé, sur une terre où chaque parcelle est grisée, ou prisée par un être à parcelle, où mon cœur ne risque pas d'être brisé. Ce n'est pas l'Éden ni un rêve. Si je dois me battre dans l'arène pour la trouver, en brûlant les ailes, j'irai jusqu'à prouver à toutes les succubes du monde entier que je n'ai pas besoin d'elle. Pendant qu'on se bat, pendant qu'on trime, pendant qu'on constate, pendant qu'on cligne tes yeux, les regrets secrets, ils s'enfuissent en attendant un séisme, le temps les transforme en secrets. Sous une pluie de verre brisée, épuisé par les esquives, je planche sur une esquisse de bonheur utopique, sous une avalanche de paroles équisées. Et dans le fond, si j'ai tort, comme tous ceux qui font des efforts, réveille le monde s'il dort, baisse le sang s'il est trop fort. Et dans le fond, si j'ai tort, comme tous ceux qui font des efforts, réveille le monde s'il dort, baisse le sang s'il est trop fort. Réveille le monde s'il dort, baisse le sang s'il est trop fort. Quelques sentiments en plus m'iraient, quelques preuves s'enfuiraient jusqu'aux extrêmes, et j'irai prouver au monde que les mots ont plus d'impact que les actes, peu importe comment je t'aime. Sous une pluie de verre brisé, et ta lumière qui dans ce prisme ondule, avant de voir le miroir fendu, laisse-moi lisser les bords jusqu'à remodeler le silice fondu. Au fond, je sais plus à quoi ça ressemble, je sais plus ce qu'on ressent, est-ce que ça renaît de ses cendres, est-ce qu'il faut créer l'étincelle ou bien l'attendre, est-ce que c'est idiot de rêver que ça touche l'humanité dans son ensemble. Sous une pluie de verre brisé, épuisé par les esquives, je planche sur une esquisse de bonheur utopique, sous une avalanche de paroles aiguisées. Et dans le fond, si j'ai tort, comme tous ceux qui font des efforts, réveille le monde s'il dort, baisse le sang s'il est trop fort. Et dans le fond, si j'ai tort, comme tous ceux qui font des efforts, réveille le monde s'il dort, baisse le sang s'il est trop fort. Réveille le monde s'il dort, baisse le sang s'il est trop fort.